Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 22 janvier 2013. Je m'appelle Mathieu Plante et aujourd'hui à l'émission, on a un plan qui a pas mal d'allure, je vous dirais. Parce que janvier pic continue, on va avoir comme toujours, comme depuis le début du mois, une nouveauté par jour. Et aujourd'hui, la nouveauté, c'est Laurie Gauvin qui va venir nous faire une chronique musicale mensuelle. On va aussi avoir Michel Leblanc vers les 8h pour discuter de justice dans sa chronique panier à salade. Anne-Julie Durocher va partager ses goûts dans son segment L'Index à 8h30. Et puis en début d'émission, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur de la boîte à con dans Télévision, Télévision. Voilà. C'est le plan d'aujourd'hui, c'est tout. Vous et moi, vous les requins, moi Mathieu Plante, ça va être le fun. On commence en musique par contre. Tout à l'heure, il y aura Mother Mother, mais on débute à l'instant avec Violette Pie. Voici leur nouvel extrait du palmarès francophone. Assemblage requis sur C'est fou, 89 FM. Noble pistache, fleur de fruits, ton jardin de rhubarbe me plaît tout entier. J'en paradigme, j'en paragraphe, j'en parle souvent. Je t'apostrophe entre mon cerveau et ma langue. L'amnésie en journée de ciel. Notre fleur atomique sans cesse s'incruste sur mes disques durs. M'oublies-tu? Sur tes disques durs, m'oublies-tu? Fleur de Londres, fleur de Londres, voudrais-tu prendre le thé? Fleur de Londres, voudrais-tu prendre le thé? Artefact, pelure de linge et l'or s'enfuit sur ta montre sans chiffre. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. Et ton joli visage ne vole jamais, je ne vais l'oublier. Thank you. slicker for the rain. Maybe just a good book and a heart to break. I'll make a mistress of a little Wiccan thing. Bit by bit, I'm gonna get my bricks out in the sticks. Bit by bit, I'm gonna build my house in the wildest thickets. I'm gonna get away from all those miles and my shit. I'm gonna say goodbye to all the la-di-da-di-da-di-da-di-da. Mother, Mother et Bit by Bit. En passant, une petite anecdote comme ça, la version qui est diffusée à la télé, entre autres, sur YouTube aussi, le mot shit censuré. À la place, ça dit ah, c'est bien beau. Donc, Mother, Mother, on adore ça. Maintenant, voici la chronique Television, Television. Television, c'est la chronique télé, évidemment, de Sandra Jockey. Je pense que je n'ai même pas besoin de vous l'expliquer, mais je le fais quand même, parce que peut-être que des fois, je vous prends un petit peu trop pour des cas. Hein? Mais il faudrait pas que je fasse ça. Faut être un petit peu plus fin avec vous, surtout qu'aujourd'hui, vous êtes mon seul auditoire. Donc, vous allez devoir m'induger, est-ce qu'on dit ça? Ou être indulgent, voilà. La nouvelle série des auteurs des Invincibles sera diffusée en 2014. La presse canadienne nous en parle dans cet article. La nouvelle série des auteurs des Invincibles s'intitulera Série Noire et sera diffusée à Radio-Canada en janvier 2014. Les créateurs François Letourneau et Jean-François Rivard ont invité les admirateurs à suivre sur le web le déroulement du tournage et plusieurs photos ont été mises en ligne. Série Noire raconte l'histoire de Denis et Patrick, deux scénaristes au bout du rouleau qui, après l'échec retentissant de leur invraisemblable série juridico-policière, sont contraints d'en écrire la suite. Ils prendront tous les moyens possibles et les plus risqués pour transformer radicalement leur méthode d'écriture et s'assurer de la vraisemblance de leur œuvre. La distribution comprend notamment Vincent Guillaume Motis, qu'on avait vu dans, est-ce que c'était Apparence ou Aveu, mais en tout cas, de ces deux-là. Edith Cochrane, qu'on connaît de Dieu merci. Guy Nadon, hein? Alain Zouvi, bien sûr. Et Anne-Élisabeth Bossé, que moi, personnellement, je connais pas, mais j'ai bien hâte de voir. Donc, voilà pour Série Noire, à partir de janvier 2014. En bref, toujours au Québec, la nouvelle émission Ici commençait hier. Je ne l'ai pas encore regardé, j'ai très très hâte de la regarder. Ça va sûrement être dans mes coups de cœur bientôt parce que j'ai vu quelques extraits, ça a l'air fantastique. Mais donc, c'est la nouvelle série de Louis Morissette, du même concepteur qu'il était testable. Une série à sketch qui propose des idées de un petit peu n'importe comment, genre Ici. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Ça a l'air bien bon. Il y a Michel Charrette, entre autres, là-dedans, Luc Guérin, Tammy Verge, et je vous conseille ça. Une autre émission qui a l'air bonne, c'est celle d'André Sauvé à RDI, Laboratoire Humain. Ça ressemble un petit peu à l'émission américaine What Would You Do? Où on invente des scénarios et on les fait vivre à des gens. Ça a l'air très, très bon. Un gars soir est retiré de V. En fait, c'est un accord, de commun accord qu'ils ont retiré l'émission. Article du Soleil ici. Les fins de soirée de V ne seront plus les mêmes cet automne. Le Soleil a appris que Jean-François Mercier ne reviendra pas à l'animation de Gaz Soir et avec la disparition aussi d'Opération Séduction. V pense à une nouvelle stratégie pour garder les couches tard à son antenne. C'est d'un commun accord que le diffuseur et la maison de production Avanti Ciné Vidéo ont choisi de mettre un terme au talk show humoristique, suivi en moyenne par seulement 143 000 téléspectateurs. Évidemment, quantité n'égale pas qualité. C'est des auditeurs de qualité, c'est ça que ça veut dire. Il semble qu'après trois saisons, l'équipe ait exploité au maximum la formule du rendez-vous le plus cru des ondes. On dit que Jean-François Mercier reste le king de V et ils vont lui trouver un nouveau concept. J'ai bien hâte de voir ce qui va se tramer là-dessus. Sûrement une émission hebdomadaire. En tout cas, c'est ce que j'espère, une émission d'une heure hebdomadaire. Moi, je trouve que ce serait plus facile à regarder qu'une quotidienne d'une demi-heure. Même si c'était seulement quatre fois semaine, ça faisait deux heures, même ben, beaucoup moins que deux heures sans les pubs. Mais quand même, je trouvais que c'était lourd un peu, par moment. Sinon... passons au Canada maintenant. L'ex-lofteuse Arissa Cox animera Big Brother Canada. Une ex-participante de la télé-réalité The Loft à Toronto animera la première version de Big Brother Canada. Harry Sakox a soutenu que son expérience en 2001 à l'émission a très peu regardé The Lofters. Là. C'est vraiment une émission très underground. Ça jouait, je me rappelle même pas sur quelle chaîne, je sais pas si c'était genre Life Network, quelque chose comme ça dans le temps, qui est devenu Slice. Donc, dans le studio de l'émission à Toronto, 8 personnes cohabitaient sous l'œil des caméras pendant une année complète. Le concept était très intéressant, mais vraiment, c'était long et c'était pas regardé. Bon. D'une durée de 10 semaines, Big Brother Canada comportera 14 participants dans une maison studio et le gagnant décrochera un prix de 100 000 $. Plus récemment, Arisa Cox était reporter culturel pour CBC News Network, la chaîne de nouvelles, et l'une des animatrices sur la chaîne de divertissement E! La jeune femme de 34 ans a fait valoir que son expérience dans le loft lui permettra de comprendre ce que vivront les concurrents dans cet univers surréel à partir du 27 février. C'est très bientôt. Édition hivernale pour Big Brother Canada. Je m'attendais pas à ça. D'habitude, aux États-Unis, c'est l'été. J'imagine justement qu'étant donné que ces chaînes-là au Canada diffusent la version américaine, il faut que tu fasses la version canadienne à un autre moment. Sinon, tu vas avoir comme beaucoup trop d'heures de... Il faut que tu étales ton matériel pour avoir le plus de codes d'écoute possible. Alors que Arisa Cox souligne que l'animatrice de Big Brother aux États-Unis, Julie Chen, là, celle que j'appelle Chenbot parce qu'elle anime comme un robot, anime un angle journalistique très sérieux et plate à mort. Elle prévoit s'impliquer un peu plus personnellement dans le jeu. Big Brother Canada sera diffusé 3 fois par semaine, pareil comme aux États-Unis, mercredi, jeudi et dimanche. J'ai hâte de suivre ça. Le retour de Wonder Woman à la télé est encore possible. David E. Kelly n'a peut-être pas eu de succès avec son pilote de Wonder Woman pour NBC, mais il croit que The CW pourrait être intéressé par son projet Amazon. Bien qu'Amazon ne soit qu'en développement pour The CW et que l'embauche de sa distribution ne fait que débuter sans même qu'un pilote n'ait été commandé, on en parle vraiment à l'avance, Kelly admet qu'il a commis une erreur avec Adrienne Palicki qui participait en fait à son émission pilote pour NBC, elle qui jouait dans Friday Night Lights. Il aurait aimé avoir un petit peu plus de temps pour bien mettre le navire à l'eau. Le producteur prolifique a accordé une entrevue à Hollywood Reporter pendant son passage dans la tournée de Press Television Critics Association, où il était présent pour promouvoir la nouvelle série dramatique Monday Mornings sur TNT. Il affirme que le personnage de DC Comics est toujours en liste pour un retour au petit écran. Vous pouvez aller voir l'entrevue sur assemblagewiki.com. David E. Kelly, on se rappelle de lui pour The Practice. Il y avait aussi Ally McBeal. Il y a pas qu'une autre série comme ça. Donc, David E. Kelly. The Vampire Diaries aurait un spin-off, une série dérivée. On prépare une émission pilote pour The Originals. Le projet... recommençons. The CW prépare un pilote pour The Originals qui pourrait se transformer en série dérivée pour The Vampire Diaries, journal d'un vampire, série à succès. Le projet devrait être diffusé la saison prochaine si le pilote a du succès. Le projet guidé par la productrice déléguée et co-créatrice de la série Julie Plec sera présenté comme un prochain épisode de Vampire Diaries qui sera diffusé le 25 avril et servirait de backdoor pilot, comme on appelle dans le domaine. Donc c'est une émission qu'on diffuse dans une série, mais qui en fait ressemble aucunement à la série et est totalement un pilote. Celui-ci mettra en vedette Joseph Morgan, un personnage populaire de la série de Vampire Diaries. Il joue Klaus, ainsi que la nouvelle arrivée Phoebe Tonkin. The Originals se concentre sur la famille originale de vampires, alors que Klaus revient au mélange surnaturel qu'est le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Une ville qu'il a aidé à construire il y a plusieurs siècles et qu'il retrouve son ancien protégé Marcel. Quant à Phoebe Tonkin, elle va jouer Ailey, son personnage de Vampire Diaries, un loup-garou introduit dans la série à l'automne dernier. Beaucoup de personnages. Julie Plec va écrire le pilote et sera productrice déléguée avec Leslie Morgenstein et Gina Girolamo de chez Alloy Entertainment, Warner Brothers TV et CBS TV Studios. Il n'est pas certain si le co-créateur Kevin Williamson se joindra au projet, alors que celui-ci est occupé avec sa nouvelle série The Following sur la chaîne Fox. Une autre série, j'ai lu quelques affaires là-dessus, ça a l'air vraiment bon. The Following, allez voir ça, The Following. Regardez la bande-annonce. The Originals marquerait le troisième rôle important pour Phoebe Tonkin à CW alors qu'elle joue dans The Vampire Diaries. Elle était aussi la vedette de la série The Secret Circle qui n'a pas duré tellement longtemps. Maintenant, on dit que Jessica Simpson, comme je l'appelle, sera vedette d'une comédie à NBC. La chanteuse et actrice américaine jouera son propre rôle dans une série qui s'inspira de sa vie, annonce NBC. Encore sans titre, la comédie pourrait débuter à la rentrée si le pilote parvient à convaincre le réseau de télévision. À l'image de Justin Bieber, dont la vie est en cours d'adaptation pour ABC, Jessica Simpson sera au cœur d'une comédie, une sitcom. La chanteuse y incarnera son propre rôle aux côtés de deux acteurs qui sont encore inconnus et qui hériteront des rôles de son père et gérant et de son fiancé, l'ancien joueur de football américain Eric Johnson. Jessica Simpson est une habituée des caméras de télé quand même. Elle est apparue dans That 70 Show et Entourage. La Texane a participé à deux télé-réalités, dont une où elle se mettait en scène avec son mari de l'époque. MTV l'a diffusée de 2003 à 2005. Maintenant, parlons d'une série qui a été retirée avant même sa diffusion. En fait, c'est pas une série, c'est une émission spéciale. L'émission de télé-réalité All My Baby's Mamas, qui a été retirée par Oxygen après une pétition par Change.org qui a reçu 37 000 signatures. Selon plusieurs personnes, Oxygen prévoyait montrer la vie de Charlie Lowe, un rappeur d'Atlanta qui a 11 enfants avec 10 femmes différentes. L'émission qui n'était pas une série, encore une fois, seulement un épisode spécial, aurait mis en vedette toutes les femmes et les enfants qui auraient emménagé dans la même maison. Selon un communiqué de presse d'Oxygen, l'émission aurait laissé l'homme séparer son affection envers toutes les femmes et essayer de créer l'ordre dans cette maison-là. Ah, ça a été beau. Donc, Sabrina Lamb, qui a parti la pétition, a décrit cette émission-là d'une heure où 11 enfants sont forcés à être témoins de 10 mères non mariées qui demandent du soutien financier, de l'attention émotionnelle et des récompenses sexuelles de la part de Charlie Lowe, le père. Elle a demandé aux gens de signer la pétition le plus vite possible pour qu'Oxygen arrête de traiter ses téléspectateurs pour des imbéciles. Maintenant, donc, Oxygen a retiré les plans de l'émission et ils ont retiré même juste la continuité de la production de cette émission-là avant même de la diffuser. Donc, ça s'appelle « All My Baby's Mamas ». Charlie Sheen a fait des dommages sur le décor du plateau d'Anger Management, sa nouvelle série, de passage à Good Morning America le 16 janvier. Charlie Sheen admet qu'il a parfois encore du mal à gérer sa colère. L'acteur qui a été renvoyé de la série Two and a Half Men, Mon Oncle Charlie, en 2011, en raison... J'aimerais ça savoir c'est quoi le nouveau nom de Mon Oncle Charlie, depuis que Charlie n'est plus là. Hein? Donc, en raison d'un conflit avec les producteurs, doit régulièrement prendre des rendez-vous chez son thérapeute pour travailler sur ce problème, ce qu'on appelle d'ailleurs du Anger Management, et c'est le nom de son émission. Malgré le fait qu'il incarne un homme en contrôle de ses émotions dans Anger Management, dans la vraie vie, il est plus du genre à perdre son sang-froid, et un trou dans le décor de la série est là pour le prouver. Il y a une porte sur le plateau dans laquelle j'ai fait un trou, dit-il. Une journée, je n'arrivais pas à avoir une réplique, ça m'a tellement frustré que ma colère m'a fait passer à travers la porte. Par contre, l'acteur insiste sur le fait que c'est aussi bon de laisser sortir sa colère, mais de ne pas l'évacuer sur les gens. Bien quand même. Pourtant, rappelons qu'il avait eu une altercation avec son ex-femme Brooke Mueller avant qu'ils se séparent. En septembre dernier, il avait parlé aussi de ses problèmes en disant qu'il avait lancé son iPad sur le mur dans un excès de colère. Gentil jeune garçon. Après la loi de Los Angeles et New York Police Blues, ça c'était NYPD Blue, là, Steve Bochco placera l'intrigue de sa prochaine création télévisée à San Francisco. Murder in the First a reçu la commande de pilote par la chaîne câblée TNT. Pour son retour au petit écran, Steve Bochco restera dans le milieu policier, univers qu'il affectionne particulièrement. L'ancien scénariste de Columbo élèvera en héros deux inspecteurs de police qui enquêtent sur un meurtre dont un PDG de la Silicon Valley est le premier suspect. Premier suspect, murder in the first, ça veut dire meurtre au premier degré, super. Toutes des premiers. Steve Bochco a déjà collaboré avec la chaîne TNT par le passé à travers la série judiciaire Raising the Bar qui était diffusée pendant une saison entre 2008 et 2009. Voilà pour les nouvelles. Parlons un petit peu des talk shows américains pour cette semaine du 21 janvier. Allons voir le Late Show de David Letterman à CBS à 23h35 en semaine. On parle entre autres ce soir, lundi, Jamie Foxx et Julie Chen, la Chenbot. Oh yeah. Mardi, Anne Hathaway. Ensuite, Denzel Washington, Bradley Cooper, entre autres. Jay Leno, Tonight Show, 23h35 sur NBC. Sally Field, Heidi Klum, Dustin Hoffman, Robert De Niro. Toujours les gros noms qui passent par là. À Jimmy Kimmel Live, 23h35 sur ABC, Ryan Gosling, Julie Bowen, Naomi Watts, Matt Damon et Nicki Minaj. Okay. À Craig Ferguson, minuit 35 CBS, Kristen Stewart, Betty White, Bradley Cooper, Tom Hanks et encore la Chenbot. Oh, oh, et partout cette Chenbot-là. Hein? Puis les autres talk shows, Jimmy Fallon, Carson Daly et Jon Stewart, entre autres sur assemblagerequipe.com dans la section Television, des notes de l'émission du mardi 22 janvier. Voilà! Pour Television, court quand même, droit au but, plein de bonnes choses à entendre. Parlant de bonnes choses à entendre, un classique, un nouveau classique, on l'écoutait hier et tellement court qu'on se la faufile une fois de temps en temps. Encore une fois, voici Rouge Pompier et leur pièce Anne Dorval. Vous écoutez Assemblage requis sur les ondes du 89 FM, c'est fou, et bien ça, c'est ici, hein? c'est pas en ville, chambre en ville, Anne Dorval, non. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai que le cœur à ses raisons. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai la télé HD dans mon salon. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai le goût de devenir un rebelle. C'est à cause d'Anne Dorval que vite de chambre en ville, c'est une nouvelle. La seule actrice présente à Cannes qui peut te faire applaudir, ça vient de là. Comme un étion dans une vision. Comment tu sais pas, mais c'est Anne Dorval. C'est t'aimes ta grand-mère. Je veux un amour qui se passe de commentaires. Je veux refaire le tour en passant par un arrière. Je veux qu'aujourd'hui soit encore plus parfait qu'hier. Et les mains dans les airs, je ne peux plus me tâcher. Retour à la nouvelle chronique musicale mensuelle de Laurie Gauvin à Assemblage Requis. Restez donc là, s'il vous plaît. Hein? Dites-moi que vous aimez ça. Hein? OK. J'ai l'air désespéré. OK. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage Requis. Vigilance auditive nécessaire, plan inclus. 7h30 minutes juste à Assemblage Requis. Mathieu Plante, toujours avec vous, seul. Mais plus, presque plus seul en studio, en fait. Ben, c'est ça. Seul à l'animation, mais toi, hein, t'es là, Laurie Gauvin. Présente. Bon matin. Ça va bien. Oui, ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Et Laurie Gauvin arrive avec une nouvelle chronique musicale mensuelle. Donc, une fois par mois, Assemblage Requis, on va la recevoir. Et on va mettre une petite intro que tu pourras changer si jamais t'en trouves une autre. Là. Mais intro! Ouais! Plate un peu, mais ça paraît. Donc, j'ai l'air sage. Fallait bien que ouais, c'est ça, t'as l'air trop sage, ça bouge pas assez. Dommage. Donc, de quoi est-ce qu'on parle dans ta chronique cette semaine? Ben écoute, ma chronique est un petit peu, je la compare à un sac de party mix, tu sais, les chips. Le meilleur bout, c'est les Sun Chips. Ah, ben tu vois, c'est partagé. Okay. Moi, j'aime bien les pretzels. C'est, non, tu vois, les pretzels, je les garde pour la fin ou je les donne à quelqu'un d'autre. Ah, ouais, mais bon les... on s'entendrait bien, en tout cas. Ouais. Mais bref, quand tu m'as demandé, tu m'as parlé de faire une chronique, j'étais bien enchantée à l'idée. On va parler surtout de musique, parce qu'on aime la musique, puis on est ici pour ça, au fond. Mm-hmm. Mais justement, dans notre sac de party mix, ben parfois, on va piger quelques pretzels. Parfois, on va avoir des Doritos. Ben ouais. Ça se peut qu'il y ait plus de crottes de fromage une journée ou que d'autres. On sait qu'on va avoir les doigts jaunes, c'est tout. Ah, c'est vrai. Bizarre dit comme ça, par exemple. Ben, ça veut dire que t'aimes ça si je t'enliche les doigts à la fin. Oui. J'ai un chat dans la gorge, d'ailleurs. Alors, vous me pardonnerez si jamais... Ça te fait bien, tu sais. T'as un chat dans la gorge. Une chance que t'as pas un oiseau. Un pinson. Un pinson! J'aime bien ces petits oiseaux, ils sont mignons. Je pensais que c'était jaune, un pinson, mais non, c'est... Ouais, je sais pas, on en parlait tantôt, ouais. C'est bizarre. En fait, bon, alors, aujourd'hui, notre chronique va surtout parler de musique, donc Doritos en grande majorité. OK. Chronique triangle. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, ce que je me suis dit, vu qu'on est encore en janvier, on va profiter du fait qu'on peut se prendre un petit moment de recul pour faire une rétrospective sur l'année dernière. Recul donc, bip, bip, pourquoi bip. Pas, ouais. Mm-hmm. 2012, la fin du monde qui n'a pas eu lieu. Une chance, hein? Ben, une chance parce qu'on peut en parler aujourd'hui, en fait. C'est une bonne chose. Bonne idée. Alors, peut-être que moi, je commencerai par faire un petit retour là-dessus. Retour musical, mes coups de cœur, top album. J'ai eu de la misère à choisir en passant. Puis aussi, on va parler un petit peu de nouvelles, des trucs que je suis tombée dessus sur Internet par hasard. Et on va terminer avec une petite surprise. C'est la pretzel qu'on garde pour la fin. C'est super. Une chance qu'il n'y a pas d'hostie. Une chance que tu m'as pas dit que c'était un sac de surprise avec des hosties dedans. Tu sais les retails, blanches. Je suis vraiment pas fan. Colle dans le palais. Là. C'est beige, c'est plate. Chill. On n'est pas de même, nous autres. On est jaune-orange. Exactement. Comme les pinsons, là, on a compris. Exactement. On arrête de parler de mon pinceau. On l'a eu, je pense. On dirait que c'est un défi, que c'est un mot pinceau. Là, on ambitionne. T'sais. Ouais, non, c'est ça quand même. Les pinsons cuits. Les pinsons. C'est un jeu de mots avec pinsons. Ah, mais... c'était mon chat, excuse-moi. Okay. Donc. Ouais. Retournons sur la piste. Oui, c'est parti. Alors, 2012, toi, Mathieu, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué en musique personnellement? Moi, je te dirais que 2012 a été une année qui m'a pas tellement impressionné côté musée. On a de la misère cette année à faire les palmarès. C'est assez fou. On a un top 20 francophone, un top 20 anglophone. C'est pas moi qui laissais des pièces dedans. C'est Alain Lefebvre, le directeur de la programmation. Mais à chaque semaine, on dirait qu'on se plaint. Il me semble qu'il n'y a rien qui sort. Tu trouves pas? Il y a des bonnes affaires, tu sais. Je regarde le palmarès, c'est le nouveau Carré Mouellette, c'est super bon, tu sais. White Horse, je pense que tout le monde est là-dessus. Metric, immanquable. Bien sûr. Il y en a eu du bon, mais on dirait qu'il y en a moins que les années d'avant. Je sais pas. Peut-être dans différents domaines musicaux. Ben, ça dépend. Oui, c'est ça, ça dépend. Hmm. En fait, je vais surtout vous parler un petit peu de mes découvertes plus indie, si on veut, rock, électro. Cette année, en fait, c'est certain que, bon, faut fouiller, là, c'est justement dans c'est ça, l'indie. On peut fouiller pas mal, puis c'est sans fin. C'est ce qui est assez plaisant dans ce domaine-là. C'est certain que, bon, là, je regarde par en arrière. Je me suis mis à y penser quand je me suis dit, bon, j'écris une liste. Tu sais, c'est comme l'équivalent de te dire, je vais écrire un top 5 de tout dans ma vie. Là. Impossible. Wow, c'est assez... c'est impressionnant comme rétrospective. Il y aurait beaucoup d'ex-equo, peut-être, dans mon cas. Beaucoup de numéro 1, beaucoup de numéro 2. Je pourrais pas faire un top 5. C'est exact. Peu de positions. Ben, c'est ce que je me suis dit. Donc, j'ai un top 1000 ce matin. Ah, bon. Et on commence avec le numéro 1000. Mais quand je repassais, bon, je me disais, qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui a marqué? Qu'est-ce qu'on a entendu parler cette année? Je pensais qu'on a entendu parler de Lisa Leblanc puis Bernard Adamus, moi, dans le domaine de l'indie. On dirait que tout le monde parle de ça, puis ça m'intéresse pas, puis j'ai l'impression que ça intéresse personne autour de moi. Je sais pas. Ben, ça dépend. Peut-être que tu vas me trouver catégorique. J'ai un filtre assez... sélectif. Ouais. Ouais. Ben, non. Mais là, surtout, vous allez me trouver typique. Je vais parler un peu de trucs que peut-être vous connaissez déjà. Mais c'est vraiment, c'est ça. En repensant à ça, je me suis dit, qu'est-ce qui a marqué? Qu'est-ce que le monde a parlé? Qu'est-ce qu'on... Là, je me suis dit, au début, je me suis dit, ah ouais, tout le monde s'est mis à triper sur Black Keys tout d'un coup. Hein? OK, ouais. Puis on sait que Black Keys, ben, ça fait un petit bout qu'ils sont là quand même, hein? Puis qu'ils sonnent bien aussi. Mais là, je repensais à ça, j'ai dit, ah, El Camino, c'est vrai, il est sorti en 2011. Ça compte pas pour 2012. Ça compte pas, c'est ça, mais tout le monde a découvert en 2012. Mais ce qui m'a amené à penser à un groupe qui s'appelle The Sheepdog, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. OK, The Sheepdog, justement, c'est un groupe que j'ai découvert cette année qui, en fait, eux, ils existaient déjà. Ils faisaient déjà de la musique, mais ils n'étaient pas signés par un record label. Ils se sont inscrits à un concours qui a été lancé par la revue Rolling Stone Magazine. OK. Puis, ils ont gagné. Donc, ils ont été le premier groupe pas signé à apparaître sur le cover de Rolling Stone Magazine. C'est un peu ce qui leur a donné leur lancée, si on veut. Alors, cette année, ils ont lancé leur album The Sheepdogs, qui était du même nom, en fait, qui a été produit par Patrick Carney, qui est le batteur de Black Keys. Okay. Donc, c'est ça, ça. On voit l'influence un peu qu'il y a en lien avec The Black Keys. Facile d'écoute. L'album est bon à écouter du début jusqu'à la fin. J'ai d'ailleurs eu la chance d'aller les voir en spectacle au Cercle en décembre dernier avec Yukon Blonde. Un très bon show. Fait que ça, je trouve que c'est une bonne découverte pour des fans de Black Keys, des gens qui ont découvert The Black Keys cette année, qui, même si c'est sorti en 2011. On n'est pas tous hipsters comme toi. Bon, ça y est. Ou moi. Ah, oh, j'ai une joke de hipster pour toi, en fait. OK, vas-y, vas-y. Je t'écoute. Elle est en anglais, faut que j'essaie de la traduire comme du monde. Difficile. Comment le hipster... OK, comment le hipster s'est brûlé la langue? Je sais pas. Il a bu son café avant qu'il soit cool. Avant qu'il soit cool, avant qu'il soit froid. Drôle, froid, ouais. J'aime ça. Mauvaise traduction, mais en fait, en anglais, c'était bon. Un jeu de mots, c'est difficile. Ouais. Fait que... Eh ben. On parlait des hipsters. On parlait... Ah oui, Sheepdog. Sheepdog. Ceci dit. Alors voilà. Je vous invite à aller écouter ça si jamais vous voulez découvrir un nouveau groupe qui ressemble à quelque chose que vous aimez déjà, peut-être. Mm-hmm. Quelque chose qui ne ressemble pas à Mumford & Sons, parce que c'est difficile en ce moment de pas trouver des groupes qui ne ressemblent pas à Mumford & Sons. Ben, c'est quoi? C'est ça. Je m'en allais... J'y ai repensé dans ma rétrospective. J'y ai pensé, mais je me suis dit, c'est-tu quoi? C'est trop facile. C'est rendu assez gros dans l'underground pour que ce soit tellement, genre, limite, ça dépasse un petit peu dans le mainstream. Tu sais, j'étais chez Walmart et la radio là-bas, ben, c'était pas la radio Walmart, là, mais t'avais un poste d'écoute, là, qui jouait du Mumford & Sons. Je me suis dit, ouais, attends. Ah, c'est très à la mode. Ça, c'était peut-être un petit peu trop pour moi dans ce temps-là. Super à la mode. Ouais. Tout comme Of Monsters and Men. Exactement. J'ai adoré l'album. C'est très bon. C'est les deux. Oui, c'est ça. Ça reste super bon. C'est très à la mode. Ouais. Bon, très à la mode d'en rire aussi. Hein? Très à la mode sur Internet de rire de ces deux groupes-là aussi. Les gens rient de Mumford & Sons et de leur. C'est la musique. Bien évidemment, quelque chose qui fait parler va en faire parler en bien et en mal. Comme les produits Apple. Ah! dit-il. Oui. Alors, par la suite, oh oui, The Shins. The Shins. J'adore The Shins. J'ai pas encore tellement écouté The Shins, on dirait. Wow! Je suis un petit peu en retard, hein. Je t'invite à revenir dans les quelques dernières années. Ils ont plusieurs bons albums. Ben, c'était sur le palmarès anglophone de Sifu. Je sais que ce que j'ai entendu de The Shins, j'ai beaucoup aimé ça, mais on dirait qu'écouter l'album au complet, ça m'est pas encore. Arrivé en tête. Je vais le faire. Ben, je t'invite à le faire. Port of Morrow, leur plus récent album qui est sorti cette année. The Shins qui nous amène toujours un petit peu dans une balade agréable. Je sais pas comment expliquer. En lien avec ça aussi, ben, Broken Bells qui est sorti en fait en 2011, mais qui est un projet du chanteur de The Shins qui sonne aussi très bien. Okay. Qui pourrait être une découverte intéressante. Je note ça. Plus récemment, Tame Impala, Lonerism. Oh, connais pas. Pardon. Hey, je m'excuse. Une chance que t'es là pour m'amener des enfants. Je connais pas ça. Non, mais écoute, je trouve ça important qu'on en parle. Tame Impala, qui est un groupe australien. OK. Ils ont sorti un album il y a 2 ans, si je ne m'abuse. Puis là, ils nous reviennent cette année avec Lonerism, qui est sorti le mois dernier, si je me trompe pas. Un album qui est comme psychédélique, tout en étant indie rock, ça se promène vraiment, mais il y a vraiment une influence psychédélique dans l'album, on le sent. Moi, j'ai adoré, personnellement. Ils vont être en spectacle, d'ailleurs, aussi en mars, le 11 mars, je ne me trompe pas, au Metropolis. OK. Moi, j'ai acheté mes billets. Je crois que ça risque d'être un bon spectacle. Surtout qu'ils viennent de loin. Hein? Ben, ouais, long vol d'avion. Ils n'ont pas le choix d'être bons. Ça, le chat qui revient. Oui, ils ne voleront pas à d'autres pinsons, mais ouais, c'est ça. petit commentaire comme ça. Tu me diras si j'ai tort, parce que ça a l'air d'être peut-être une excuse. Je trouve ça con comme excuse, mais pareil. J'ai moins tendance à écouter de la musique anglophone, on dirait, à cause des quotas. Tu sais, à la radio, il faut jouer 65% de franco. Fait que on dirait qu'on balance toute notre musique du côté francophone, pas tellement d'anglophone. Ça donne pas envie d'écouter de la musique parce qu'on n'a pas le temps de la jouer de toute façon. Mais il faudrait que j'en écoute pour ma vie personnelle. Ben non, mais c'est une très bonne raison, en fait. C'est con, mais vraiment, hein, ça... Ben, puis je pourrais te dire la même chose pour le franco. C'est plate, c'est con, mais j'en découvre moins. Ouais, parce que de toute façon, ce qui joue tout le temps les mêmes groupes... Non, pour vrai, on dirait qu'on joue tout le temps les mêmes groupes en francophone. Le top 20 bouge tellement pas, il se passe absolument rien. C'est con à dire, mais il sort à rien. Il y a un petit peu moins de monde qui parle en français sur la planète Terre aussi. Oui, il y a ça aussi. Commentaire éditorial, je te laisse continuer. Ben, fort agréable, merci. The Lumineers, il y en a-tu qui connaissent? J'en ai fait jouer hier, il était à SNL en fin de semaine. C'est vraiment bon, ça. Ça ressemble à du Mumford & Sons, pas mal, par contre. Trouve pas? Ouais, c'est un petit peu dans la même vague of Monsters and Men, Mumford & Sons. On aime donc bien ça. Tout le monde joue de la musique, on dirait une famille qui joue de la musique, genre... Pardon. C'est heureux. Ça rend heureux. L'album, c'est drôle parce que l'album est sorti en avril dernier, okay. Si je ne me trompe pas. Puis on dirait que ça a comme pris une petite roulette avant que ça parte. Puis là, tout d'un coup, oh, Lumineers, on aime ça. Partout. Puis je rentre dans la voiture le matin, c'est Lumineers qui joue à la radio. Je me dis, wow, j'ai manqué 4 mois de quelque chose. 6 mois, 8 mois. Alors, quelques mois. On est rendu tard. Un bout de temps. Bienvenue en 2013. Ouais. Oui. Alors, The Lumineers, leur album qui est du même titre aussi. Très bon album. Sinon, ben c'est ça, c'était prévisible aussi, par exemple. Là, je vous en parlais, mais c'est parce que fallait qu'on en parle. Ouais. Bon. Non. Quelque chose que vous en doutez peut-être pas, que vous connaissez peut-être pas, Alt-J. J'en ai entendu parler un petit peu. Je me rappelle pas quelle chroniqueuse en a parlé dans les semaines passées. Je crois que c'était au Palmarès C'est fou. Je crois que c'était Justine Renaud, une chroniqueuse Justine Procrastine. Haha, petit peu ici. Elle n'a pas procrastiné sur celle-là, en tout cas. Non, pas du tout. C'est des triangles, leur nom, genre. Ouais. C'est cool, quand même. Ouais, c'est ça. Ben, quand j'ai découvert ça, je me disais, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le triangle, Algi? On sait pas. Ils utilisent un peu les deux. Ouais. Leur album qui s'appelle An Awesome Wave. Au début, quand j'ai écouté ça, j'étais pas sûre. La première fois, je me suis dit... Comment t'as dit ça? J'ai l'impression d'être François Pérusse en ce moment. J'aime ça. Okay. Mais, je n'étais pas sûre, mais j'avais aucun cadre de référence. Ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Okay. Puis c'est ce qui est le fun, justement. D'origine. Jusqu'à ce que je me dise, je vais écouter l'album. Puis l'album, un joyeux voyage dans on ne sait trop quelle planète, en fait. Mais non, c'est pas si pire que ça. Puis, comme je vous dis, c'est vraiment... Il n'y a pas de style défini. Il y en a certains... J'ai lu quelques critiques. Il y en a qui appellent ça du folk step. Donc, il y a vraiment un mélange de toutes sortes d'affaires là-dedans. C'est quoi? C'est du folk dubstep, ça? C'est quoi? Folk step, ça veut dire... On n'est pas sûr, c'est ça. Là. C'est pas du dubstep. On voit des influences de toutes sortes d'affaires. Il y a vraiment... un peu comme un party mix. Oui. Mais celui-là, il y a des chips vertes dedans. On ne sait pas. As-tu goûté au chip mauve? Ouais, c'est ça. Ah, ça existe pour vrai. Ouais. Doritos, je pense. Je sais pas. Bon, bref. Alors, un autre album dans le indie rock, un peu pop. Okay. Parce que j'ai une petite tendance. Pas trop, mais juste assez. Ouais, des fois, je m'en rends compte. Ah, c'est là que je suis une fille, en fait. Ouais, il y a ça aussi. Mais pour vrai, c'est pas si pire. Ça s'appelle Walk the Moon. OK, non, j'adore ça, Walk the Moon, pour vrai. Ouais. On se rejoint un petit peu là-dessus. J'ai OK, bien aimé ça. Ouais. Pas trop pop. Non, non. C'est juste, c'est heureux. Mais c'est ça. Il y a de la musique qui peut sonner pop, mais qui n'a pas l'intention commerciale. Ah, c'est bien dit. C'est ça qu'on joue assez fou des fois. Ouais. C'est super bien dans dit. Dans les règles. Ben, en fait, c'est ça. Puis je trouve que ça m'a fait penser un petit peu à Foster the People. OK. Dans le même genre. Mais sans être aussi redondant dans leur travail. Ouais. On a compris le message, là. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est dans le même style de joyeux, facile d'écoute. Mais je trouve que il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ça. J'en ai pas entendu parler nécessairement. Je suis tombée là-dessus par hasard sur Internet. Puis je me suis dit, wow. Cool. Fait que Walk the Moon, si vous connaissez pas, allez-vous chercher l'album, il vaut la peine pour vrai. Un autre groupe que j'ai découvert, un nouveau groupe qui s'appelle excusez, on recommence. Poolside. Poolside. Ouais, c'est le bord de la piscine. Yeah. C'est le fun, hein? C'est festival comme nom. Ouais, ben c'est des gars de la Californie, justement. Ouais. On sent l'influence, là. On Les dirait, paliers. Je t'en parle, j'ai une brise. Il fait comme moins 30, c'est une brise. Arène, c'est... Ah, ça doit être celle-là. Je sens. Mais oui, Poolside, leur album Pacific Standard Time. Ça, encore, j'aurais de la misère à te décrire un style en particulier. Indie rock, ça se promène dans le funk, un peu d'influence disco. électro. Mais bref, c'est un beau voyage. Ça donne le goût d'aller se promener sur la 101. Ça. Donc, je vous conseille d'aller voir ça. C'est nouveau. C'est un nouveau son. Mais cool. ça rappelle justement du disco, un petit peu d'influence. Par la suite. Tu nous amènes plein de noms, puis on les fait pas jouer, ceux-là, c'est ça? C'est mon dernier. Après ça, je vous en fais jouer. Parfait. Promis. J'attends ça. Là, mon dernier, là, parce que j'essaie de trancher, c'est sûr que j'en oublie. Mais il faut vraiment que je vous parle de C2C. Est-ce que tu connais ça? T'as-tu entendu parler? Encore une fois, le nom me dit quelque chose. Ouais. Je crois en avoir entendu, mais je suis pas sûr. C'est quoi C2C? C2C. Coast to Coast. Ouais, ben, ça aurait pu. C'est 4 DJ français, en fait. Puis leur album est vraiment. Ça fait jaser beaucoup. J'ai retrouvé même un de leurs vidéos dans le Vimeo Staff Picks of the Year. Là. Okay. C'est vraiment... ça fait jaser autant musical que... Visuellement. Ouais, tout ça. Très innovateur comme son. Ça bouge beaucoup. On n'a pas de break. Ça fait sourire. C'est le fun. C'est ce qu'on cherche dans la musique, là. Ouais, leur album s'appelle Tetra. OK. Donc, voilà. Tetra. Ça, ouais, c'est ça. Ouais, on tetra ça. Un jour, peut-être. Bon, maintenant, on écoute ça un peu de musique. S'il te plaît, Laurie. S'il vous plaît. Ah, okay. Tu veux que je te vous vois? OK. S'il vous plaît, Madame Gauvin. Oh, mon Dieu. Let's go, Vin. Bien beau, le jeu de mots. Non, sûrement pas. Ouais, c'est non, ça. Je l'ai fait quand même. OK, bon, ben, on y va dans l'idée d'un réveil progressif parce qu'il est quand même tôt, hein? Quand même, pour certains, hein? Pour moi. Oui, pour toi. OK, alors, on va y aller avec une première chanson. Ça s'appelle du groupe Last Links. J'ai découvert ça récemment. La chanson s'appelle Killing Switch. Puis, je pense que ça risque de vous aider à vous ouvrir les yeux tranquillement, pas vite. On écoute ça à Assemblage Requis, c'est la chronique de Laurie Gauvin. On y trouvera un nom meilleur. Stranger than the other one, she was flower bound, one of a kind, the mistress of the waterfall, of the waterfall, of the waterfall. As a picture so of a burning town, little rabbit man, little rabbit man. Speeding up every time. Tick tock in my wonderland. Wonderland. In my wonderland. Yeah, I'm in Gasling, c'est Killing Switch à Assemblage Requis. C'est la chronique de Laurie Gauvin en ce moment. Party Mix. Party Mix. Ah, ben, tu veux qu'on l'appelle Party Mix? Et... Mélange Fiesta. Je suis pas certaine. On dirait le matin, c'est un peu impliquant. Les gens voudront plus se réveiller avec non, c'est ça, ça fait bizarre. Ça fait peut-être un petit peu trop dance floor, Party Mix. Ce que je comprends pas, c'est qu'en français, Party Mix, c'est Mélange Fiesta. Fiesta qui est quoi en espagnol? Fait que tu traduis de l'anglais en espagnol, ça n'a pas rapport, ça. C'est vrai. Ah, une fois mais que tu y penses. Mon erreur, t'as raison. J'ai une petite tendance à parler un peu franglais. J'aurais dû y penser. Non, non, j'aime ça. Je trouve ça. Fiesta, ça fait soleil, en fait. Fiesta. On peut se faire croire qu'il fait chaud. Oui. Il va falloir vraiment se forcer pour y croire. Donc, on faisait un petit résumé de 2012 en musique indie. Ça allait très bien jusqu'à maintenant. Entre autres. Oui, ben, en fait, écoute, je pourrais t'en parler pendant encore longtemps, mais... Ça, c'est le vent dehors. J'aurais pas le choix de te dire ça va être ça. OK. Le reste, on s'en reparle peut-être un autre tantôt. Mais en fait... Sinon, tout le monde, je pense qu'on a eu le temps de se dire dans notre tête en même temps aussi. Puis c'est le fun parce qu'en faisant ma petite liste, pardon, je me faisais... des fois, je parlais avec des gens puis je leur disais, j'ai-tu oublié de quoi? Toi, c'est quoi ton highlight musique 2012? Tu sais, c'est difficile. Attends, je te pose la question. Je saurais même pas quoi te répondre. J'aurais aucune des quoi te répondre. Pas facile. Non, c'est ça qui est difficile dans les rétrospectives, parce que je l'ai fait un petit peu à la fin de 2012, comme tout le monde le fait. On n'avait pas de chroniqueur à la fin de la session, fait qu'on regardait la liste des nouveautés de l'année. Puis j'en sortais, il y en avait comme 60. Là, après ça, tu descends ça à combien? Comment tu fais pour réduire ça? Dire, ah oh, ça, finalement, Peter, là, ça va pas dans ma liste, tu sais. Ben, c'est ça. Rien, non. Difficile. Ouais. Bon, fait qu'on est allé avec ce qui était les highlights, on dirait, si on veut. Là, dans les nouvelles, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? What's up? Ben en fait, c'est pas super nouveau. Je l'ai trouvé la semaine passée ou l'autre d'avant, en fait. Mais ça commence à se jaser, hein? David Bowie, 66 ans. Oui. Qui fait un retour. En effet. Wow. Une pièce est sortie, c'est ça? Ouais. C'est une chanson, hein? Un single, Where Are We Now, qui s'intitule, de l'album The Next Day. L'album qui a une sortie prévue pour le 12 mars 2013, le jour de sa fête. Ah, oh, c'est cute. Une semaine avant la mienne, tu sais. Je suis sûre que c'était voulu. Sûrement. Probablement. Ouais. Ben en fait, pardon. Justement, le retour de David Bowie, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui nous attend? Puis c'est drôle parce que quand je l'ai dit à mon père, je dis, Pat, devine quoi, t'as-tu entendu parler David Bowie, retour à 66 ans? Puis mon père, ce qu'il me dit, première réaction, c'est, ouais, il devait manquer d'argent. Oh. Comme tous ceux qui font des retours. Ça, c'est vrai, par contre. Qui poussent le dernier retour encore et encore. Ben, moi, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est vraiment la passion de la musique? Ben, je pense qu'il a fait son argent qu'il avait à faire, non? Moi, je pense que oui. Je pense pas qu'il était à plaindre vraiment. Je pense que s'il fait mais ça... Mais c'est drôle de voir la perception différente j'avoue, mon père qui a connu Bowie. Ça a du sens. Qui l'a vécu dans ses débuts aussi. Puis moi qui me dis, oh, wow! Mais donc, toi, t'étais une fan de David Bowie grâce à ton père, c'est ça? Ouais. OK. Moi, j'ai connu toutes ces années-là. Là, c'est mon père qui m'a transmis ça. Je le remercie d'ailleurs. Ben mais, oui. Sauf que là, justement, en étant donc bien contente d'entendre cette nouvelle-là, je me dirige sur iTunes et je vais pré-écouter son single qui est la seule chanson d'album qu'on peut pré-écouter pour l'instant. Okay. « Where are we now? » Ben, écoute, j'ai envie de te dire que j'aime ça. OK. Mais tu le fais pas. Pardon, mais j'ai trouvé ça limite cheesy. Ah ouais? Cliché, clavier... non, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Les feux de l'amour, c'est ce que ça m'évoquait. Non, pas non. Vrai. Ah. OK. Je trouve que je juge rapidement parce que faudrait peut-être qu'en la réécoutant, tu sais... Est-ce que l'extrait est facile à trouver? Je trouve ça. Je veux au moins en écouter un. Ben, va sur iTunes. Ah, iTunes Store. Ouais, est-ce qu'on a iTunes Store là-dessus? Ce serait le fun si on avait iTunes Store là-dessus. Ça serait le fun, hein? Ouais, ce serait le fun. Mais, ouais, ça serait le fun de le plugger. J'aurais dû. Mais, honnêtement, en tout cas, mon opinion reste, faudrait que je la réécoute plusieurs fois. On a un extrait YouTube. Ah, ah, ah, merci YouTube. Je te gâche, il va jouer une pub avant. Je suis presque garanti. Et bien sûr, fait qu'on remet le fond. Ho, ho, ho! C'est le fun. Non, j'aime ça. Donc, David Bowie, Where Are We Now? C'est l'extrait qu'on va l'entendre dans quelques secondes. T'es pas sûr? Est-ce que tu penses le réécouter plusieurs fois jusqu'à temps qu'il te rentre dans la tête? Est-ce que tu penses que l'album va être différent? Est-ce que tu penses qu'ils ont sorti le single justement parce qu'ils savaient que c'était ce son-là que les gens voulaient entendre de David Bowie? Mais c'est ça. Je pense que, ben, lui, cette chanson-là, à ce qui paraît qu'il l'a écrit en lien avec, ça parle de l'histoire anglaise médiévale. En tout cas, il paraît que c'est bien creux comme histoire si on prend le temps de l'écouter. Chose que je n'ai pas fait car j'ai écouté l'extrait d'une minute trente. Ouais. Mais il paraît que le reste de l'album, il ressemble pas, par exemple. On va l'avancer. Le feu de l'amour, tu comprends? C'est lover pas mal, hein? C'est limite cheesy. Pas mon genre, trop. Mais on juge vite, là, parce que c'est 5 secondes. Mais c'est ça. Mais ouais. Exactement. Hey, là, t'enfiles. Est-ce qu'on avait d'autres choses à dire avant de repasser en musique? Non, on continue. Je pense dans notre concept de réveil progressif. La chanson que je vais vous faire jouer en ce moment s'appelle Awake. Non. T'as pas que tu. Comme se réveiller. Oui, exactement, de Electric Guest. À son âge requis. Back to sun again, must be fade, the way it was all day. Black axe to a man at the gate, awaiting to stay. Calling out. Electric Guest et Awake à son âge requis. Laurie, tu choisis des bonnes chansons ce matin. Ah, c'est gentil. Mais oui. On est-tu réveillé maintenant? Ouais, pas pire, pas pire. Maintenant qu'on a écouté Awake. Il nous reste un fait divers de la journée dans ta chronique, Laurie. On est rendu au Ringolo. Le Ringolo. Ah! Ah! J'avais oublié qu'il y a des rigolos là-dedans. Mais pas dans toutes les sortes. C'est pour ça que ce matin, vous allez voir, c'est assez ringolo. Rigolant. Oh boy. Pardon. Alors, je suis tombée là-dessus hier, par hasard sur Internet, puis je me suis dit que ça serait important. Non, c'est pas vrai, c'est pas important. Ça serait drôle de partager ça avec vous ce matin. C'est normal, c'est pas important. Ouais, c'est ça. C'est un article qui disait les 50 petits moyens de se rendre la vie plus facile. Ah, j'aime ça. J'ai sorti un best-of. C'est pas 50, là, c'est ça. Un best-of. Numéro 50. Mais c'est drôle parce que ça s'applique beaucoup à nous, les étudiants, OK? Vous allez voir que c'est un moyen de... Par exemple, on parle de... On a essayé de trouver le nom tantôt, là. Une spirale à CD à graver. C'est ça. Tu sais, quand t'achètes les CD... Une tour à CD, t'as une petite tige en milieu de plastique, là. Exact. Quand tu les achètes, là, ça vient là-dedans. Pourquoi pas ne pas recycler la spirale après avoir utilisé tous les CD qu'il y a dedans? Pour s'en servir comme plat à sandwich. Avec un bagel, avec un trou dans le milieu. Avec un bagel, le trou dans le milieu. Où est-ce qu'on met les condiments? Ça, c'est pas mon problème. Mais non, mais ils sont déjà dedans. Ah, tu mets tout dessus. Tu fais ton sandwich. Exemple, c'est un sandwich bagel, on s'entend. OK. Il n'y a pas de négociation possible, à moins qu'on fasse un trou dans notre pain. Là. Mais donc, on peut mettre le bagel directement dans la spirale. Il reste en place et ça fait un plat. C'est magique, c'est magique. Si vous voulez le faire avec un sandwich, avec un pain rond normal, mais qui n'est pas un bagel, prenez un truc pour les cœurs de pommes. Ah ben oui, c'est Monday. Ça met cœur de pommes. J'ai déjà fait celle-là, mais c'est pas grave. Je recycle mes blagues. Ah, ça sent toujours bonne, c'est ça, c'est correct. Ben ça, hein, c'est un bon truc pour les étudiants, non, là, avec la hausse des frais scolarité. C'est pas cher, les CD sont déjà assez chers de même, les DVD moins, mais tu sais, t'as le spindle qui vient gratuit avec, arrête de le jeter et mettre tes bagels. On l'utilise, on amène notre bagel à l'école avec. Je sais pas, ça vaut la vaisselle. Ah, c'est vrai. Rabat-joie. C'est un... Ah, c'est un one-timer. Cassé. Là, il faut le laver dans le lavabo, ça marche pas ça. Non. Ben, du moins, la fois que tu l'as réutilisé, tu te dis, hein? Voilà. Regarde, puis tu vas faire rire tes amis. Ben. Un autre truc, pour les gens comme moi qui souffrent de démangeaison et de... qui pleurent éperdument en coupant des oignons. Ah oui, t'es une petite sensible, toi. Ah, oh, moi, je suis une petite nature. Je te dis là-dessus, là, tellement que j'ai déjà essayé de mettre mes lunettes de snow pour couper des... Ah. Non, c'est pas une joke. Non, pas vrai. Ça fonctionne bien. Mais il paraît que en mâchant de la gomme et en la chiquant comme il faut, là, ce qui veut dire qu'on est obligatoirement en train de respirer la bouche en même temps, on évite les larmes. Ben, ben, ben. C'est bon, ça. Ça, je savais pas, ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, plus de larmes. Ouais. Intéressant. Pour les garçons, maintenant. Les garçons qui sont un petit peu pressés, pas trop de budget, qui savent pas repasser parce que j'en connais pas beaucoup. Le fer à cheveux, le fer à aplatir les cheveux de votre copine pour peut manches, aussi servir de fer à repasser pour votre collet de chemise. Oh, wow! N'est-ce pas ingénieux? Très bien. Donc, le matin, on n'a pas le temps. On ne sait pas, en fait, comment non plus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Chemise bien repassée. Un autre fait divers intéressant. Bah. Saviez-vous que quand on fait réchauffer un plat au micro-ondes, apparemment, si on disperse la nourriture en forme de beignet, donc pour faire un trou au milieu, elle va se réchauffer de façon... plus uniforme, si on veut. Plus fond, uniforme, merci. Les lasers vont pas vraiment dans le milieu. Ben, les lasers, les micro-ondes. On parlait avec les vrais termes. Donc, dans le milieu du micro-ondes, c'est tout le temps la portion froide de ta pizza pochette. T'sais. Bon, ben c'est ça. C'est les côtés, ils sont sur le côté. Fait que mettez-la sur pas le côté. Le fun. Quand ça tourne, ça, ben, c'est bien logique, ça. Donc, la prochaine fois que vous faites réchauffer votre spag, à moins que vous décidiez de le manger froid, parce que ça aussi, ça peut se faire. Mais étalez-le en forme de beignet. Vous allez voir, résultat optimal. Très bonne idée. Puis laissez ce que vous voulez qui reste froid dans le milieu de l'assiette. Ta salade, non? Non, je pense pas que ça marche demain. Présentation réussie. Oui, coulis de... J'aime bien le concept. Ouais. Voilà. Ça peut toujours marcher. Mm. Fait que ça conclut un petit peu mon fait divers que je voulais partager avec vous ce matin. Le ringolo de ce matin. Le ringolo. Laurie Ngolo. Une Africaine s'appellerait Laurie Ngolo. Tu sais, mais ton nom, c'est Laurie Gauvin. Oh boy. Laurie Ngolo. J'en ai déjà entendu une couple de jeux de mots, mais pas ouais, celui-là. Pas celui-là. Originalité! Ouais. Tu vois, des fois tu sais, il y a des prénoms qui s'adaptent vraiment bien aux jeux de mots. Fait que les gens, c'est comme, sont allés dans le temps de parler. Tu sais, mettons, on a une journaliste aux Zones Campus, ça s'appelle Adèle Lavallée. Les gens parlent tout de la chanteuse Adèle, blablabla. C'est pas original. Moi, j'ai dit, tu sais, mettons, je sais pas, si elle reçoit un message dans sa boîte à courriel, elle l'a délité, tu sais. Mettons, c'est un jeu de mots, tu sais. Fait que wow. Le ringolo, c'est une autre sorte de jeu de mots varié. C'est très bon. C'est pas long. On te retrouve dans à peu près un mois. On va confirmer la date là, parce qu'il va y avoir une autre chronique dans la case horaire de 7h30, les gens du club plein air UQTR. Donc, tu vas prendre une des deux semaines qui restent, c'est bon? Bien sûr. Laurie Gauvin, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir, merci à toi. Merci, de rien. On se quitte avec une dernière pièce que tu nous as choisie. Oui, la pièce s'appelle The Sea du groupe Swim Deep, qui va terminer votre réveil en beauté, je crois. C'est l'heure de se lever. Bon matin. Down to the sea and tell me what it is that you wanna be. I say go down to the sea and tell me what it is that you wanna be. Retour à la chronique Justice et Judiciaire avec Michel Lebrun. Assemblage requis, restez là. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. C'est la deuxième heure d'Assemblage Requis en ce mardi 22 janvier 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Et aujourd'hui, à l'émission, on a beaucoup de gens, beaucoup de chroniqueurs. C'est bien pour me tenir compagnie un petit peu alors que je suis seul comme ça à l'animation. Et notre prochain souffre-douleur à avoir mes sautes d'humeur devant lui, ben, c'est Michel Lebrun. Et on l'accueille à l'instant. Voici sa merveilleuse chronique panier à salade. Bon matin, Michel Lebrun. Bon Mathieu. Bon Mathieu. Bon Mathieu matin. Ben, il faut bien avoir un bon Mathieu à quelque part, sinon l'émission n'aurait pas lieu. Hein? Moi, j'aurais de la misère tout seul. Je regarde tous ces boutons. Ça aurait pu. Plein de lumière qui allume. C'est comme un party, cette affaire-là. Donc, chronique judiciaire et juridique et de la justice, panier à salade, Michel Lebrun, qu'on retrouve à toutes les semaines. Et là, François-Olivier n'est pas là. Il n'y a personne pour poser des questions. Donc, c'est moi qui vais devoir me concentrer et poser des questions les plus utiles possibles. Des fois, c'est difficile pour moi. J'insère tout à des jeux de mots, mais je pose rien de pertinent. Ben écoute, tu parlais de souffre-douleur pour commencer. Ça tombe bien. Ah, OK. Parce que... c'est rare que ça arrive. Faudrait pas que je sois trop souffre-douleur parce que la cause, le sujet dont je voulais parler aujourd'hui, qui résulte d'une cause qui a été entendue par la Cour suprême, qui a rendu un jugement la semaine dernière, c'est... la question est très simple. C'est est-ce que une victime de violence conjugale peut engager un tueur à gages pour assassiner celui qui se livre à cette personne-là à l'aide de la violence conjugale, à l'égard de cette personne-là. C'est une question à laquelle je pensais pas qu'on se rendrait là, mais oui, on est la question s'est posée en Nouvelle-Écosse, puis c'est une décision de Ryan, la madame s'appelait Patricia Ryan, et elle vit en Nouvelle-Écosse, et son dossier s'est retrouvé à la Cour suprême et le jugement a été rendu la semaine dernière. Mais à l'origine, ce qu'elle vivait, c'était fort triste. C'était une dame qui était victime de violences répétées de la part de son conjoint, M. Ryan, comme on Elle porte le nom de son mari. Oui, dans les provinces, en Nouvelle-Écosse, c'est souvent comme ça. Comme ici, au Québec, ça ne l'est plus. Mais donc, M. Ryan est très violent. M. Ryan se livre à toutes sortes de violences. Puis elle a un enfant. Et il fait beaucoup de menaces aussi. Un jour, je vais te tuer. Puis bon. C'est ce qui est difficile. Les gens comprennent pas nécessairement comment la situation peut être lourde pour la personne qui vit la violence conjugale, parce que si tu veux pas mourir, si tu laisses la personne, c'est bien facile de dire, tu sais, va-t'en donc, tu sais, bon. Ouais, porte plainte. Ouais. Si tu portes plainte, tu vas te faire tuer. Ben, est-ce que ça va arriver? On peut pas dire, on peut pas donner une licence non plus aux gens d'invoquer ça puis de tuer qui ils veulent. C'est sûr. Mais c'est un gros problème. Je vous dirais, puis je pensais à ça en m'en venant ce matin, puis je me disais, à l'origine, là, le droit qu'on a d'avoir un procès devant un jury, c'est un peu à cause de ces situations-là où qu'on peut pas prévoir. On dit bon, on doit interdire ça des gens de tuer quelqu'un, ou de comploter pour tuer quelqu'un, ou d'engager un tueur à gage pour tuer quelqu'un. Mais on peut se retrouver devant des situations qui font que on va être pratiquement, on est peut-être mieux de donner au jury plutôt qu'au juge qui va appliquer la loi strictement le dernier mot, c'est-à-dire de dire coupable ou non coupable. Puis parfois, même si techniquement quelqu'un a commis une infraction, des fois les jurys les trouvent non coupables. On avait eu le cas dans les années 70 de Dr. Morgan Thaler qui était, on peut penser ce qu'on veut de l'avortement, mais accuser des gens, des médecins qui se livraient à l'avortement, c'était une infraction criminelle à l'époque. Je pense que c'était aboli. Oui, effectivement, ça a été aboli depuis ce temps-là. Mais techniquement, la personne admettait avoir commis cette infraction-là. Mais le docteur disait, ben écoutez, moi, je fais ça. Il y a des femmes qui vont se faire avorter de toute façon. Et moi, je suis médecin. Si je ne le fais pas, elles vont le faire ça avec des moyens rudimentaires. Il va y avoir des décès, ces choses-là. Et indépendamment de ce qu'on peut penser du fait qu'on est pour ou contre, le fait de criminaliser ça, en fait, on a amené ça devant des jurés. Morgan Thaler allait devant des jurés et il a toujours été déclaré non coupable. Il n'y a jamais un jury qui était capable de déclarer M. Morgan Thaler coupable alors que, techniquement, il n'y avait absolument aucune défense. C'est un peu le même problème pour la violence conjugale. Puis dans les années 90, on est allé assez loin où on disait, bon, si une personne tue son conjoint qui est fort violent, qui l'a, qui l'a, qui ce livre, on parle pas juste d'un escarmouche là, mais d'un pattern. Puis les psychologues vous le diront, il y a des patterns qui sont très ancrés là, surtout lorsque souvent c'est la femme évidemment qui est victime de violence conjugale, et lorsqu'il y a des enfants impliqués, qu'il y a le père, l'entourage, je dirais c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais qui n'appuie pas toujours la victime. Les gens comprennent pas pourquoi ces victimes-là retournent avec leurs agresseurs, mais il y a toutes les raisons psychologiques là-dedans. Ouais. Donc c'est très compliqué. Et dans les années 90, ce qui avait été invoqué dans un cas, une dame qui avait carrément tué, mis une balle dans la tête de son conjoint qui était très violent, et l'histoire le démontrait, elle avait eu des nombreuses visites à l'hôpital et tout ça. Elle avait engagé un expert psychiatre, psychologue, qui sont souvent critiqués aujourd'hui, mais cet expert-là disait qu'elle souffrait de ce qu'on appelait le syndrome de la femme battue, c'est-à-dire qu'elle était incapable de mettre fin à cette violence-là parce qu'elle elle se sentait enfermée dans une sorte de prison. Elle savait qu'elle n'avait aucun espoir de s'en sortir, que si elle se sauvait, ben justement, comme tu dis, Mathieu, il la retrouverait, puis ça serait pire encore pour elle. Oui. Et dans un cas comme ça, la personne, cette violence-là qu'elle subit, la seule façon d'y mettre fin, c'est de tuer la personne qui se livre à cette violence-là. Et on a appelé ça de la légitime défense. La légitime défense, c'est un concept qui existe. D'habitude, c'est contre la violence qui est, si l'autre personne essaie de tirer dessus, tu peux y tirer dessus. Exactement. C'est la violence psychologique. Là, on se fait attaquer, mais là, c'est de la violence physique, mais qui n'est pas immédiate. Ouais. Dans le sens où la personne n'a pas été battue. La légitime défense, je dirais classique, c'est que si quelqu'un me saute dessus, ben, je peux utiliser une force raisonnable. Mmh. Si quelqu'un me tire dessus, je peux même aller jusqu'à la tuer, cette personne-là, parce que on est dans une situation où c'est une question de force justifiée par le moment présent. Mais là, avec l'expert psychologue, on a prouvé que cette violence-là, elle était permanente. Donc, cette femme-là était dans une situation où elle était un peu dans le même état d'esprit qu'une personne attaquée, ouais, en tout temps. T'as aucun répit, tu peux pas relaxer. C'est ça. Et ça s'est fait à l'occasion d'un épisode de violence conjugale, peu de temps après. Mais elle n'était pas vraiment en danger immédiat à ce moment-là. Mais le jury avait accueilli cette défense-là. Elle avait été acquittée, puis la Cour suprême avait confirmé que ça pouvait être une défense. Là, on a passé à une autre étape. Par contre, la dernière cause, c'est celle d'une femme qui est victime de violence conjugale, mais elle dit à deux, trois personnes, elle tente d'engager deux, trois personnes pour tout simplement assassiner son mari qu'elle considère qui est violent. Et la dernière personne qu'elle a tenté d'engager, elle avait tenté avec une personne, elle lui avait donné 25 000 $, donc c'est pas une personne qui était sans moyens financiers, mais ça n'avait pas fonctionné. La personne, je pense, était simplement partie avec l'argent. Et la dernière personne qu'elle a contactée, c'est un agent double de la police de la gendarmerie royale. Donc, le meurtre ne s'est jamais commis, mais elle a été accusée. Il y a une infraction. Il y a des infractions de complot, mais il y a des infractions de conseiller à quelqu'un de commettre un crime si ce crime-là n'est pas commis. Mais ça aussi, c'est une infraction. OK, mais ça c'est un piège ou quoi? Ben, je pense que oui. L'histoire ne le dit pas à la Cour suprême. Ils ne disent pas comment cet agent double-là s'est retrouvé. Mais j'imagine que si elle avait déjà approché deux personnes, ouais, ça commençait à se savoir. La police a décidé d'envoyer quelqu'un pour voir si elle avait cette réponse-là. Et en tout cas, il était clair, les conversations étaient enregistrées, puis elle offrait, encore une fois, elle offrait, je pense, 2 000 $ pour commencer, puis c'est 25 000 lorsque son mari serait assassiné. Et il n'y a aucune espèce d'ambiguïté là-dessus, elle n'a aucune espèce de défense. Et sauf que, encore une fois, c'était une cause, c'est peut-être pas légal, mais on comprend ce qu'elle vit, puis là, elle n'a pas eu recours à des psychologues, elle a invoqué ce qu'on appelle la contrainte. Je pense que j'en ai déjà parlé, Mathieu, de ce que peut être la contrainte, parce que c'est toujours l'élément moral dans un crime. Un crime, c'est un geste, exemple, tuer quelqu'un ou engager un tueur à gages, mais c'est dans l'intention. Il faut que la personne le fasse en sachant qu'elle le fait. Là. Ouais. Si quelqu'un est somnambule ou si quelqu'un est... Okay. Un animal ne peut pas commettre un crime parce qu'un animal n'est pas capable de former une intention de commettre un crime. Et parce que tu ris, mais dans l'Antiquité, on jugeait les animaux aussi. On les brûlait. On les brûlait, comme ça, on les mangeait. Ah, oui, oui. Fait qu'on a continué à les manger, mais on les juge plus. Et puis, donc, l'élément moral, on peut l'invoquer de plusieurs façons. Il y a la défense, exemple, d'aliénation mentale. Les gens qui ont des problèmes de maladie mentale, on en entend parler beaucoup ces temps-ci. Mais d'autres circonstances, bon, la légitime défense en est un élément qui va nier l'intention. La personne a vraiment voulu se livrer à des voies de fait ou blesser la personne ou même la tuer, mais dans un contexte où, on va dire, elle n'était pas moralement coupable de quoi que ce soit. Elle était attaquée, donc elle avait le droit de défendre sa vie. L'autre, il y a deux autres types de défense qui vont nier un peu ce genre d'intention-là, c'est la nécessité. La nécessité, ça, c'est par exemple, j'ai vu la décision de classique, elle s'appelle Perca, là, c'est une décision, où un bateau avait eu des problèmes mécaniques, un bateau qui transportait de la drogue, qui n'était pas au Canada, s'est retrouvé au Canada à cause d'un bris mécanique. On dit, ben écoutez, je ne voulais pas commettre une infraction au Canada, moi. C'est un bris mécanique qui a entraîné le fait que je me suis retrouvé au Canada. Et là, on avait accepté le fait qu'une personne peut se retrouver à ne pas avoir le choix de commettre une infraction. Par inadvertance ou par c'est ça? Ouais, par une nécessité de sauver sa vie. Ouais. Par exemple, on a vu souvent des gens, je pense que moi-même, je l'ai déjà plaidé, mais pas avec un grand succès, des gens qui sont en boisson dans un party, mm-hmm. puis tout d'un coup, la bataille pingue. Excusez l'expression. Ça commence à se battre. Bon. Et puis là, je commence à avoir peur pour ma vie. Oui. Là, le seul échappatoire que je peux voir, ben, c'est qu'il y a mon auto qui est là, puis les gens me courent après. Ben, j'en parle à mon auto, puis là, je m'en vais. Là, je vais dire, ben, écoutez, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Je ne peux pas rester à me faire battre. Puis là, la seule. L'appréciation de cette défense-là, de nécessité, c'est très, très strict. Évidemment, si je me fais arrêter à Shawinigan, après avoir été. je me suis sauvé ici, la chasse-galerie, ben, ils vont dire, t'aurais peut-être dû aller arrêter au poste de police avant, ou il y a un moment où t'étais plus poursuivi, puis là, continue à conduire. C'est très, très strict. Oui. Et l'autre défense, c'est la contrainte. Et l'autre exemple que j'avais déjà donné, une femme qui vit en Serbie, ben, on prend en otage ses enfants, on menace ses enfants, on menace sa famille, et on dit qu'elle doit faire passer de la drogue, par exemple, au Canada. Et cette personne-là avait invoqué la contrainte. Et dans le cas de Mme Ryan, c'est un peu ce qu'on a fait. On a comme élargi, en tout cas, le juge qui a entendu cette cause-là, c'est le véhicule qu'il a trouvé. Puis, c'est des situations tellement, je dirais, touchantes où on voit que les tribunaux font quand même un effort assez. On étire certains raisonnements pour essayer de trouver une certaine justification à des situations comme ça, parce qu'on les comprend un peu d'avoir fait ce qu'elles ont fait, parce qu'on parle de victimes. Et. On a dit, c'est comme une contrainte. Son mari la menace continuellement. Elle a un enfant. Elle dit, vous allez périr tous les deux. Je vais mettre le feu à la maison. Je vais vous brûler. Donc, elle n'est pas prise au sérieux par son entourage. Ce que la cour, le premier juge a dit, ben, il dit ça, c'est comme s'il l'avait forcé à commettre le complot ou à engager ou en tout cas à vouloir la tuer parce qu'il l'a mis dans une situation où il n'avait pas d'autre choix même si c'est pas ça qu'elle voulait. Et c'est un peu ce que la Cour d'appel avait confirmé. Ça s'est retrouvé devant la Cour suprême du Canada. Et la Cour suprême du Canada a dit non, je pense qu'on ne peut pas aller si loin que ça. La contrainte, c'est pas ça. La contrainte, c'est d'avoir de se faire forcer par une personne à commettre une infraction à l'égard d'une autre personne. C'est pas cette personne-là qui nous force à la tuer, elle. C'est la contrainte, c'est l'intention de la personne qui veut prendre le contrôle de nous ou nous séquestrer ou nous menacer d'une façon ou d'une autre pour nous forcer à commettre un crime contre une autre personne ou contre la loi ou, par exemple, faire du trafic de drogue. Et là, la Cour suprême dit, on vous avait pas choisi la bonne défense, donc c'était pas... c'est pas ouvert à une personne de le plaider dans ce sens-là. Ça veut pas dire que la personne pourrait pas plaider un peu comme la légitime défense, comme ça avait été fait dans la décision antérieure. Puis je pense que la raison ultimement de ça, c'est que même si la cause de cette dame-là était très sympathique, on se dit jusqu'à quel point... la Cour suprême ne le dit pas comme ça, mais c'est un peu une réflexion que je me fais. Jusqu'à quel point, si on ouvre cette porte-là, bon, des gens qui sont victimes d'intimidation à l'école, des gens qui... on peut pas se faire justice à soi-même. Là. Et puis, cette personne-là, bon, elle avait quand même certaines ressources. Elle pouvait... on n'est pas au Moyen-Âge non plus. Il y a des organismes qui viennent en aide aux victimes. Il y a des... les corps de police sont très sensibilisés à ça. Ils prennent ça très au sérieux maintenant. Donc, on en venait à la conclusion que on peut pas aller si loin que ça. Mais là la Cour suprême... plutôt que de condamner cette dame-là, ils ont fait une autre pirouette à la fin de leur décision en disant, écoutez, dans ce cas-là, par contre, on devrait recommencer le procès, en principe, si, ou même la déclarer coupable. Mais ils ont dit, là, le processus judiciaire était tellement long pour elle que on ordonne à la couronne de ne pas réaccuser la dame et on a comme arrêté les procès. Donc, on a dit, elle n'a pas raison, mais on l'acquitte quand même. C'est un peu symptomatique des efforts qui peuvent être faits. En tout cas, je dirais que le problème comme tel de la violence, particulièrement de la violence conjugale, c'est un défi, je dirais, pour les tribunaux. Et lorsqu'on essaie de créer une logique d'entrer des faits qui sont aussi tristes que ceux-là dans une logique juridique, des fois, on en vient à bout. Là. Puis je pense que quand la Cour suprême dit, écoutez, cette dame-là est coupable, mais on va la déclarer non coupable parce que ça fait tellement longtemps que les procédures sont entamées, je pense que c'est un peu le système qui atteint ses limites. Enfin, on verra ce que l'avenir réservera. C'est sûrement qu'il y a d'autres avocats créatifs qui vont trouver d'autres défenses à soumettre dans des cas comme ceux-là. Mais on n'a pas fini de voir de ce type de dossier-là dans les tribunaux. C'est un dossier très compliqué et ça me rappelle, je sais pas, j'en ai déjà parlé en nombre, j'écoutais un marathon d'une émission qui s'appelle Stalked à la télé. Il y a une chaîne de télé genre qui s'appelle ID où ils diffusent plein de documentaires sur la réalité des gens comme ça. Okay. Puis là, ça fait tellement peur parce que ça parle, dans le fond, ça parle de gens qui se font, mettons, laisser. Mettons, la femme laisse son mari et le mari va tellement la menacer, va venir dans la maison, même qu'elle essaie de changer les barreaux, tout ça. Puis là, elle appelle la police, puis là, la police la croit pas, ou la police est amie avec son mari, fait qu'il laisse tout le temps partir. Puis là, après ça, le gars vient rôder dans sa rue. Mais c'est pas des histoires vraies. C'est des histoires vraies, puis ça fait peur. Puis c'est filmé live, quoi? Non, c'est des reenactments, des dramatisations. Ah, okay, oui, mais oui, okay. La personne qui est reçue en entrevue, c'est la vraie victime. Okay. Les noms, des fois, ont été changés, les situations ont un petit peu changé pour les villes, entre autres. Mais c'est vraiment des histoires comme ça, et ça fait peur de voir comment il y a des gens qui peuvent juste péter un plomb à un moment donné, puis devenir un stalker, quelqu'un qui va venir espionner au travail. T'sais, mettons, la femme laisse son mari qui est abusif, et puis le gars va commencer à appeler à chacun des emplois que la femme a pour dire que la fille c'est une folle, puis qu'elle a fait des crimes impossibles. T'sais. C'est difficile de quitter un homme quand l'homme fait ça. T'sais. Des cas d'obsession comme ça. Obsession. J'ai vu même des gens où ça peut être parfois des inconnus complètement. Quelqu'un oui. que. Il y en a de qui, j'ai déjà vu un cas, ça fait quelques années, mais. Qui avait simplement vu une vendeuse dans un centre d'achat et il s'était monté un scénario. Il était en amour avec. Ça faisait partie de sa vie. Et c'était au début, puis c'était un individu qui lui-même était quelqu'un qui travaillait, qui avait un bon. Je pense qu'il travaillait au gouvernement. Puis lui, ça l'a détruit. Lui, cette dame-là, avait changé de travail. Parce que c'était affreux. Puis on n'a jamais été capable de convaincre cette personne-là. Ça a commencé par des amendes. Puis les sentences se sont envenimées avec la tête. Et puis à la fin, je pense qu'il était déclaré quasiment délinquant contrôlé. En tout cas, il a subi des. On a dû l'emprisonner sur des longues périodes. Et c'est épeurant, là. Vraiment. Non, ces obsessifs-là disent, tu sais, genre, la phrase qu'on entend souvent, c'est genre, on est en amour tous les deux. La seule chose qu'il y a entre nous deux, c'est que tu me connais pas. Il y a un film qui s'appelle À la folie, pas du tout. C'est un film français. OK. Avec c'est Audrey Tautou. Mm-hmm. Et c'est un peu l'inverse. C'est une femme qui. Elle joue le rôle d'une femme. Et je dis ça, c'est fictif, mais c'est fondé sur une maladie mentale qui est tout à fait exacte, qui est vraie. Dans ce cas-là, c'est une femme qui tombe à cause d'une simple conversation d'à peu près deux secondes avec un voisin qui a toute une histoire qui monte. Et ce film-là est un peu fascinant parce qu'on voit ça, la façon dont elle raconte le film. C'est comme en fait en deux parties. Tu vois cette dame-là qui parle de sa relation à son entourage et tout ça, puis on pense qu'elle a un conjoint un peu mystérieux qui puis la deuxième partie du film se met du côté de la victime de ça, c'est cet homme-là qui reçoit des messages et qui sait pas de où ça vient. En tout cas, c'est un film assez fascinant, mais c'est une maladie qui est vraiment documenté dans les chez les psychiatres. Exact. C'est fascinant, comme toujours, tout ça. Panier à salade, on te retrouve... tu t'appelles pas Panier à salade, c'est pas ton nom. Michel Lebrun, chronique Panier à salade, mardi prochain à 8h, ici à Assemblage Requis. Merci encore. Merci, madame. On prend une petite pause, on revient avec Anne-Julie Durocher, sa chronique L'Index. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à assemblage requis. Stéphanie Paradis nous aidera à faire le survol du plus récent numéro du journal Zone Campus. Del Ferro mettra la langue dans ton oreille. Encore une fois, il nous fera découvrir de la musique franco et on fera nos bêtes de sexe avec Annabelle Maton et sa collègue Je t'aime moi non plus. C'est demain à assemblage requis dès 7h. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis en pièces. Détaché, Mathieu, Plante, François, Olivier, Marchand. Toujours Assemblage requis, il est 8h33 minutes. Mathieu Plante, tout seul en ce matin pour animer Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Par contre, elle va être avec nous jusqu'à la fin de l'émission. C'est Anne-Julie Durocher. Bon matin. Bon matin. Ça va? Mais oui. Ça va en forme? Mais oui, je suis en pleine forme. Avec ton bout de perte. Merci. Ouais. Pour pas longtemps encore, par exemple. Ah, c'est vrai? La semaine prochaine. Ben, j'arrête de complimenter tes cheveux, t'en auras plus. J'en aurais plus. Ça va être trop triste. C'est quand la date? Fallait 31 janvier. Et quand ça s'en vient vite, ça? Oui. Pas 9 jours. Ouais. Genre. Ouais, quelque chose de même, là. On vous rappelle d'aller faire vos dons. D'abord, vous allez sur défi-tête-rasé.com. Puis, vous marquez mon nom, Anne-Julie Durocher. Anne, pas de E. Puis. Durocher, d'un seul mot. Ouais, ouais, c'est ça. Puis, vous allez voir, là, il est marqué Carnaval, étudiant, QTR, quelque chose comme ça. Puis, vous allez sur mon profil et vous pouvez continuer de donner. J'ai pas encore raté mon objectif, mais bientôt. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ça s'en vient. Faut que j'aille le faire, moi aussi, mon don. Hein. Mais je ouais. Dis ça, je dis ça, mais je le fais. Tu sais, je peux ramasser plus que 1 500 $. Oui. Y a pas de problème, là. Ah, c'est le fun. Donc, voici la chronique de l'index. Jusqu'à ce qu'on nous pointe du doigt un index qui réveille une toute petite voix. L'index, c'est la chronique d'Anne-Julie Durocher où elle nous présente, en fait, ça varie de semaine en semaine. Des fois, un coup de cœur, juste un commentaire. C'est quoi cette semaine que tu nous présentes? On parle d'un film. Un film? Ben oui, un film que j'ai vraiment aimé, que j'ai regardé pendant le temps des fêtes, avec Jasmine, qui fait la chronique demain matin, qui fait une chronique sur la GIA. Ouais. Donc, on a regardé le film La Dame de Fer ou The Iron Lady, en anglais. En fait, il s'agit d'un film là, biographique qui raconte la vie de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, pour ceux qui ne sauraient pas de qui il s'agit, en fait, là, c'est une femme de. Pour faire un. Ouais, je vais vous dire ça comme ça, là. En fait, c'est la première et unique femme qui a dirigé le Parti conservateur, mais qui a également été la première ministre. La première femme, première ministre, et la seule à ce jour là, de l'histoire du Royaume-Uni. Oui, en Angleterre. Oui, c'est ça. Là. Ouais. Vous savez où, là, la petite partie en haut de la France et tout ça, là, la petite île. Là. Quand même grosse, c'est pas si petit que ça. Donc, c'est une femme de pouvoir, de conviction et d'audace. En fait, là, dans le film, on nous présente là, une Margaret Thatcher qui était... en fait, là, dans les derniers instants de sa vie, elle était atteinte de l'Alzheimer. Donc, on nous présente... une Margaret Thatcher, en fait, là, atteinte de la maladie. Mais, en fait, là, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on bascule justement entre les instants présents et les instants de sa vie passée. Donc, on nous présente les moments forts de sa carrière, mais aussi de sa vie personnelle. Qu'on soit, en fait, là, pour ou contre les idées de cette femme politique, ce qui était intéressant de voir, à mon sens, c'est toute la détermination qu'avait cette femme de ce en quoi elle croyait. Ce qui est beau aussi, là, c'est sûr qu'en tant que femme, ça m'interpelle encore plus comme film de voir justement une fille qui va aller avec ses convictions, qui va foncer, qui n'aura pas peur de mettre son poing sur la table, puis de justement pas faire l'unanimité, là, c'est pas ce qu'elle cherchait, mais qui va justement aller avec ses convictions puis être déterminée à travers tout ça et très fonceuse. Fait que c'est ce qui est admirable, je trouve, là, de cette femme-là, et c'est ce qui est très bien véhiculé dans le film. Je pense qu'il ne faut pas juste se limiter à son idéologie et de ce pourquoi, dans le fond, elle allait de l'avant. Mais il faut voir un petit peu plus que ça, justement, tout ce que cette femme représente et ce qu'elle est, ce qu'elle était, en fait. C'est sûr que le personnage est merveilleusement bien joué par Meryl Streep, qui okay. a justement gagné l'Oscar de la meilleure actrice là, donc, l'an dernier. Pour ce rôle-là, il faut savoir que le film, en fait, là, est sorti au Québec au printemps 2012. Meryl Streep a aussi gagné le Golden Globe de la meilleure actrice pour un film dramatique, entre autres aussi pour ce film-là. Le film a aussi gagné, bon, le score, en fait, du meilleur maquillage, là, mais... Donc, on voit que c'est quand même un film qui a été bien récompensé. De la qualité. Oui, c'est ça. Donc, comme je vous ai dit, là, que vous soyez pour ou contre les idées de cette politicienne-là, je vous invite à prendre connaissance de ce film-là, en fait, là, que ce soit pour en savoir un peu plus sur Margaret Thatcher ou tout simplement là, pour vous divertir. Je pense que c'est un bon film de 1h30. Ça s'écoute très, très bien. The Iron Lady. Yes. Avec Meryl Streep. Oui. Bon choix sur Blu-ray, sur DVD, disponible maintenant partout. Oui, c'est ça. En plus, vous pouvez même l'avoir vraiment pas cher, genre usagé, là. Oh. Tu sais, les Vidéotron, ils vendent ça, là, ouais, ouais. Les copies. Les gens la regardent une fois, puis bah, j'ai compris. Oui, c'est ça. Fait que... C'est sûr que c'est pas un film nécessairement à acheter et à regarder plusieurs fois, là. Mais moi, je vais le regarder plusieurs fois. Oui, pour vrai? Oui. Pour la performance ou pour l'histoire, pour. Ben, tu sais, on se le cachera pas, là. Je suis pas nécessairement pour les idées très conservatrices. Sûrement pas, ouais. Mais non, justement, pour le courage de cette femme-là, ça m'a vraiment marqué. Puis le jeu de Meryl Streep est tout simplement sensationnel, là, à mon sens, là. Je pense que c'est toujours le cas dans chacun de ces films. Ouais. Donc, The Iron Lady, merci, Anne-Julie. Merci à toi. Tu restes avec nous. Ben oui. On va l'entendre une pièce de Stars. Voici The Theory of Relativity. Assemblage requis, il est 8h38 minutes. Well, the only way I see this happening is in an extended ride north. Thank you. Instant domestique de la descente du coude à assemblage requis. On continue toujours avec Anne-Julie Durocher. Mais oui. Mais oui. On a le temps de faire un petit c'est un fait. Oh, wow. Oh, yeah. C'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et on a le temps pour une bonne petite liste de liens, de faits insolites, intéressants à apprendre comme ça, là. Aussitôt que ça s'ouvre, là, je vais vous lire ça. Ça va être bien bon. Ah, aussitôt on va apprendre plein de choses ce matin. C'est l'université ici. Notre mission éducative est là. plus de 85 000 personnes se blessent en fonçant dans leur animal de compagnie. À chaque année, leur chat et leur chien, ils trébuchent. C'est pour ça que j'aime tellement pas les animaux. Ah, faut juste que tu ouvres la lumière, tu vas le voir. Regarde où tu marches. Oui, non? Ah, OK. Pas d'excuse. En Turquie. En 2005, le pays que j'appelle la dinde en Turquie. 2005, Turkey. Un mouton s'est suicidé en sautant en bas d'une montagne. Et 1500 moutons ont vraiment suivi le mouton et 500 ont été tués. Mm. Tu sais, quand on dit que les moutons, tu sais, être mouton, là, ça existe pour vrai. Oh, c'est triste. Vraiment déprimant le matin, voyons. Madonna demande un tout nouveau siège de toilette à chaque concert où elle va pendant sa tournée. Le couvercle le dessus de la toilette doit être emballé dans du plastique pour montrer qu'il est neuf. Penses-tu qu'elle a demandé ça aussi à Québec? Sûrement, j'imagine. Mm. J'imagine vraiment, mais en même temps, ça coûte pas cher un siège de toilette. C'est juste que ça fait vraiment un petit peu péteux de brou. Là, un petit peu. Un petit mais peu. En même temps, je comprends. C'est un petit peu que... Au moins le désinfecter, peut-être. Ouais, là, mais pas un nouveau siège. Non, c'est ça. C'est quand même des dépenses. Là. C'est comme on entendait dans la chronique de Stéphanie récemment, Paradis, ses chroniques Les Petits Bonheurs. Elle parlait que dans les hôtels, les verres sont souvent dans un emballage plastique. Ouais. Mais que, dans le fond, la femme de ménage va prendre un verre, va le désinfecter ou le laver et va le remettre dans un emballage plastique. Peut-être qu'ils font la même chose avec le siège de toilette. Mais en tout cas, pour les verres, ils font ça. Oui, c'est clair. Après une chicane, plus de 85% des gens pensent à toutes les choses intelligentes qu'ils auraient pu dire pendant la chicane, mais ils y pensent après. C'est logique, 85% des gens. Ouais, ouais. Ou encore tout le monde, je dirais. Oui, c'est ça, beaucoup de monde. La Cour des États-Unis a officiellement dit que le cheerleading compétitif n'est pas un sport. Ouh. Oh, controverse. Ouch. Ouch pour les gens qui font du cheerleading de compétition, parce que ça existe, il y a les Patriotes cheerleaders ici. Triste. Chaque soir, après la fermeture, Disneyland va relâcher 200 chats dans leur parc pour aider à garder la population de rats sous contrôle. Donc, ils vont lâcher des chats dans Disneyland pour manger les rats. Oh mon Dieu. Je suis un petit peu moins enchantée par Disney, là. Mais les chats, c'est beau. J'aime vraiment pas les chats, là. Non. Ben, tu connais pas ma haine pour les chats. Non, ben, tu sais, moi, tu t'entends tellement bien avec Jasmine Raymond-Drainville que je me suis dit que ça n'a pas le choix que t'aimes les chats autant qu'elle. Non. Non, c'est pas le cas. Mais je suis allergique, fait que j'aime pas ça. Ah, ben c'est ça. C'est comme être allergique au lait et soudainement, t'aimes pas le lait. Il y a comme une association là-dedans. Tout à fait. C'est ça. La femme moyenne va passer environ une année de sa vie à essayer de trouver quoi porter. C'est clair, je l'ai busté, ça. Ah, un an, Karine! T'as déjà dépassé le un an, à l'âge que t'as de très, très jeune loup. Comment, c'est quoi le féminin d'un loup? Louvette. Loup. La bactérie qu'on trouve dans le yogourt, ça devait être le mot que je cherchais parce que c'est le nouveau mot pour yogourt, hein. C'est yogourt, tout le monde dit ça, c'est marqué sur leurs affiches. La nouvelle façon de prononcer yogourt, c'est yogourt. Fait que dorénavant, tout le monde dit yogourt à la place de yogourt, hein? Non, t'as pas vu ça, c'est public? Non. Bon. Désolé. Donc, la bactérie qu'on trouve dans le yogourt est la même qu'on trouve à l'intérieur de l'engin féminin. C'est vrai. Il y a une bactérie qu'on retrouve dans le yogourt et dans l'engin féminin. Mais j'ai aussi vu de quoi, moi, à propos des bactéries dans le Activia. Oh! Mais faudrait que je refasse une recherche, mais comme quoi que ce serait une bactérie qui servirait aussi à engraisser les animaux, en tout cas. Ouais, les Activia, ce serait pas si cool non plus. Mais en tout cas, j'ai pas vraiment vérifié la source, là. Pourtant, la source est une autre sorte de yogourt. Mon yogourt! Non? Kesha. C'est la chanteuse Kesha qui a un signe de pièce, là, parce qu'elle est hot, là. Donc, Kesha a eu 1500 sur son test SAT, le Aptitude Test, le Scholastic Aptitude Test. C'est presque un score parfait. Et son quotient intellectuel est au-dessus de 140, ce qui fait qu'elle est presque génie. Mon Dieu. Faut pas juger un livre par sa classe. Mais sais-tu pourquoi elle a un signe de pièce? Ben, je sais pas, elle est à l'argent. Non, c'était dans une chanson de... Je ne sais plus quel chanteur, là. J'ai 50 Cent en tête, mais c'est... En tout cas, un autre chanteur. Jay-Z ou peu importe. Moi, en tout cas, un chanteur bling-bling. Puis, elle faisait la voix de la fille, puis il l'a pas payé. Fait que c'est pour ça qu'elle a un signe de pièce dans son nom. Ah ben! C'est comme une revanche, parce qu'après ça, elle a été populaire, mais il a jamais voulu la payer. Intéressant. Parlant d'argent, Bill Gates a assez d'argent pour envoyer chaque enfant ou adulte là, de 18 ans aux États-Unis à l'université pendant 4 ans. Il a cet argent-là, lui. Hein? Voici nos faces de gens étonnés. Attends, là, il peut. Tout le monde qui est majeur, il peut envoyer comme tout le monde 4 ans d'université. Puis est-ce qu'il va avoir comme encore l'argent pour manger? Je pense que c'est tout l'argent qu'il y a, mettons. Okay. Donc je pense que là, il n'y aurait plus d'argent. T'sais. Et s'il en gardait pour lui, il pourrait envoyer peut-être donc 3/4 des gens. Oui, c'est ça. Mettons qu'il pourrait financer le système d'éducation au Québec. Là. Pas mal ça. Comme... Ouais. La police et l'armée n'ont pas inventé la veste par balle. Non. En fait, c'est un livreur de pizza de Détroit. Qu'il a inventé après avoir été tiré deux fois lors de ses livraisons. C'est drôle. Pas pire, hein? Le slogan de Nike, Just Do It. Vas-y, fais-le. En fait, c'était les derniers mots de quelqu'un qui était exécuté. À ce moment-là, quelqu'un a été exécuté et ses derniers mots étaient Just Do It, fais-le donc, tue-moi. Ça vient de là, apparemment, le slogan de Nike, selon Internet. C'est un petit peu triste, genre. Ça donne pas le goût d'acheter du Nike. Ouais, pas certain. Surtout qu'ils maltraitent peut-être leurs enfants. Ouais, c'est ça, en tout cas, non. De 8 ans. Si on achète l'encyclopédie Britannica, l'ensemble complet d'encyclopédie Britannica, ça va coûter environ 1 400 $. C'est cher. Beaucoup trop d'argent. C'est fun, les encyclopédies. Oui, juste regarde ça. Tu prends la lettre Q puis tout ça. Je sais pas si la lettre Q, le livre est aussi épais que les autres. Ça, il n'y a pas autant de mots en Q, ça. Faudrait vérifier. Les femmes font plus de shoplifting, de vol à l'étalage que les hommes. En fait, le ratio est de 4 contre 1. 4 vols à l'étalage féminin pour 1 masculin. Tu sais qu'on est allé souvent à la cour, moi et le reste de l'équipe de C'est fou, pour voir la cause de Marc Perrière dont on parlait la semaine passée. Hey, y en a-tu des cas de vol à l'étalage à la cour de Trois-Rivières? Quelle perte de temps. On n'est jamais à plus de 10 pieds d'une araignée. Hein? Là, 10 pieds, là, c'est comme un petit peu plus loin que le mur du studio. Il y a des araignées dans ce périmètre-là. C'est dégueulasse pour vrai. 10 pieds. C'est une information que j'aurais préféré ne pas savoir. Il y a bien des informations qu'on ne peut pas savoir. Le nombre d'insectes qu'on avale pendant la nuit. Ah, ça m'écœure un peu. Le verre. Des fois, je me demande d'où la traduction vient dans ma tête. Le rire. Laughter, verre. Okay. Donc, le rire, ça sert à une chose socialement. En fait, on dit qu'on ne rit pas souvent quand on est seul, mais on rit 30 fois plus quand on est avec d'autres gens. Donc, 30 fois plus, aussitôt qu'il y a une personne de plus autour de toi. Shit! les humains trouvent l'information... en fait, ils deviennent accros à l'information. Un peu comme les gens sont accros de C'est un film. Naturellement, on veut plus d'informations et de choix que notre cerveau peut réussir à processer. Donc, notre cerveau aime avoir beaucoup de choix pour après ça prendre, analyser l'information, essayer d'en retenir le plus possible. Donc, apparemment que l'information, ça peut devenir addictif, comme on dit en mauvais français. Il y a au-dessus de 2000 espèces de bactéries qui vivent dans notre nombril. Arc. 2000 espèces. Souvent de la mousse de chandail, mais plus que ça. C'est vraiment dégueulasse. Pas vrai. L'utilisateur de Twitter moyen a 27 suiveurs. Hey, j'en ai plus que ça. Hey, bravo, combien t'en as? Je sais pas moi non plus. Mais c'est le fun à savoir. Mais je sais que j'en ai plus que 27. On a beaucoup de spam, pour vrai, par contre, dans nos Twitter followers. Pas moi. Non, aucun, tu fais le ménage là-dedans? Ben, j'ai pas... Non, j'en ai des spams, mais j'ai pas que ça. Bon, on n'a pas le contrôle sur les gens qui nous suivent, par contre. Donc, on peut pas les effacer. Tu peux comme bloquer. Là. OK, ouais. Donc, tu verras pas leurs affaires sur ton timeline. Ouais, bien intéressant. Le prénom de Madame Klaus, tu sais, Santa Claus, Père Noël. Ouais. Donc, le prénom de Madame Klaus est Leila Klaus, selon le conte. La Bible. Le coussin à pète, le whoopee cushion, a été inventé par un empereur romain de 14 ans qui a été assassiné avant l'âge de 18 ans. Pourquoi il a inventé ça? Je sais pas. Pour faire des jobs. Oh, comme juste pour rire les gags, ça vient de l'Empire romain. Ah, OK. le groupe One Direction et le... ça fait rire, tu disais 30 fois plus. One Direction est le troisième groupe dont les... En fait, la troisième figure publique, là, on compte les groupes et les personnes seules. Donc, c'est la troisième personnalité publique sur Facebook en 2012 dont les gens ont le plus parlé, derrière Barack Obama, Mitt Romney. Ça fait Barack Obama, Mitt Romney, One Direction, t'imagines? Ça n'a pas rapport. Ben non, ça n'a pas rapport. Les spécialistes du dating, des relations de couple, disent que si une femme ne retourne pas son appel, mettons tu l'appelles, elle ne retourne pas ton appel, après deux messages, c'est qu'elle n'est pas intéressée, selon les spécialistes. Après deux fois. Donc, tu as le droit à deux fois. Même une fois, des fois, comme comprends le message. Ça, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. les chercheurs de l'Université de Boston travaillent sur une technologie qui va nous permettre de télécharger des choses directement sur notre cerveau. OK, pas plus de détails que ça sur ce fait-là. Pas intéressant. C'est quoi? Pas intéressant. C'est les chercheurs de l'Université de Boston travaillent sur une technologie qui va nous permettre de télécharger des habiletés directement dans notre cerveau. OK, là, je viens de la comprendre. Télécharger des habiletés, ça veut dire, mettons, savoir jongler. Un jour, tu vas peut-être pouvoir assimiler l'information pour savoir jongler dans ton cerveau. Et instantanément, tu vas pouvoir savoir jongler. Mais je veux pas. Mais non, faut que t'apprennes. Mais oui, non, c'est plate. Sinon, là, America's Got Talent va faire faillite. Mais oui, puis on va devenir des robots. Non, je suis contre ça. Vraiment. Je l'aime pas, cet effet-là. Pas le fun, ça. Non. Mais peut-être pour apprendre des langues, ça pourrait être bien. T'aurais une disquette de langue dans la bouche. Mais t'as-tu d'être comme un robot, là? Non, je sais bien. Il y a trois choses que le cerveau humain auquel le réseau le voyons quand j'ai de la bizarre, auquel le cerveau humain ne peut pas résister. OK, selon les études, on dit la nourriture, les personnes attirantes et le danger. Apparemment, on est attiré par ça et le cerveau naturellement est attiré par ces trois choses-là. C'est logique. On est d'accord, je pense que ça a du sens. Et on dit que les êtres humains ont en moyenne 70 000 pensées par jour. On pense à 70 000 choses indépendantes par jour. Je suis pas mal d'accord avec ça, moi. Tu sais, mettons, chaque mot que tu sors, faut-tu y aller penser. Tu le fais sans te contrôler trop, ton cerveau le fait seul. Tu parles, tu penses à d'autres choses. Ça a du sens. Voilà pour la chronique, c'est un fait joli. C'est fun, on a appris plein de choses. Ben oui, c'est ça, cette chronique-là. Ça part bien le matin. Ah, t'as bien raison. On va retourner en musique. On va entendre une pièce d'Audionautes. Le groupe local qui a gagné les Mordis de la Relève il y a quelques temps et on les adore depuis ce temps-là. Donc, Audionautes, on écoute La Tête Ailleurs parce que c'est là que je me sens. J'ai l'impression d'avoir La Tête Ailleurs. Puis après ça, on vient pour se quitter, dire au revoir à nos requins, Anne-Julie. À nos requins. Les auditeurs d'Assemblage Requin, c'est des Assemblages Requins. Oh! C'est fun, hein? C'est fun. Ça aussi, c'est un fait. Non! Qu'on voulait pas savoir. Je pense que je suis en train de vous mettre dans les airs. Mais bon, voici dans les airs, Audionautes. Ça va être bon quand même, là. Ben, c'est ça, c'est tout Audionautes, c'est bon. Keep me ready. C'était Audionaut et la pièce Dans les airs sur leur album Le meilleur des mondes, Assemblage requis. D'habitude, la pièce La tête ailleurs joue à C'est fou et elle est sur le palmarès francophone. Vous pourrez l'entendre jeudi après-midi entre 15h et 18h au palmarès C'est fou. Ouh là là! Ouh là là! C'est la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Avant de dire qu'est-ce qu'il y a demain, on va parler des gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Donc, on remercie Michel Leblanc. On remercie Adjuy Durocher qui est toujours là. Mais oui, merci! Qui donne Laurie Gauvin, bien sûr. À l'émission de demain, on a un plan assez merveilleux pour vous autres. Stéphanie Paradis avec sa chronique sur les ondes campus qui sort aujourd'hui. On a hâte de voir ça. On se procure tout ça, c'est gratuit. Hein? David Ferron avec La langue dans ton oreille, chronique sur la musique francophone, toujours bien bon. Et finalement, Annabelle Maton et c'est la nouvelle chronique Je t'aime moi non plus, troisième épisode de cette série coquine et sexy. Ouh! Ouh! Le oulala aurait dû aller là. Moi, ouais, je pense que t'as mal placé ton oulala. Ouais. Il était inapproprié. Non, j'essaie de faire un jeu de bois que là, ça marchera pas. Yep. J'abandonne. On suit avec The Vaccines et la pièce No Hope parce que je suis sans espoir côté blague. Et surprise pour voir qui va animer demain avec moi. On verra. Oh. Suspense. Bonne journée, Angélie. Mais à toi aussi. Bye. Merci. Au petit requin aussi. Ah oui, puis les petits poussins, puis les petits chiots, puis les petits. Les canards. Les poulettes. Moi aussi. Les chèvres, les moutons. Ah, les moutons qui sont morts? Oui. Ah, les brebis! Ah, ça, c'est go! J'aime ça comme nom, les brebis. OK, on sait pas. Get that rap from someone else. And I could make an observation if you want the voice of a generation, but I'm too self-absorbed to give it clout. And I don't really care about anybody else when I haven't got my own life figured out. 'Cause when you're young, a born in 24, but wouldn't that be cheap and ill-informed? And I could bet you don't believe me if I said it came from deep